On peut se flatter peut-être de t'initier, toi aussi, Socrate, à ces mystères de l'amour. Mais pour le dernier degré, la contemplation, qui en est le but, pour qui suit la bonne voie, je ne sais si ta capacité va jusque-là.